Tu penses qu'est-ce que j'ai dit? Bien, alors on reprend. Alors, moi, j'ai pas d'objection au propos de Raphaël, pour une fois, là, j'abdique. Et au contraire, même j'irai plutôt dans son sens et j'amènerai encore de l'eau au moulin. C'est vrai que c'est une conférence fondamentale, une conférence clé. Et je situerai peut-être le problème, non pas dans le protocole des sages de Sion, mais peut-être, auparavant dans la faiblesse. Je me demande si ce n'est pas une question de faiblesse que nous avons eue de confondre les mots évolution et révolution. Autrement dit, ce chambardement, là, cet ordre à l'envers, ce savant désordre qu'on vit aujourd'hui, je dirais que c'est encore un coup des motadis français. Parce que c'est en 1789 que les mythes aériens de liberté, d'égalité et de fraternité ont supplanté ceux de la monarchie et le thème d'autorité. Mais je conçois que dans cette contre-initiation de l'humanité, il a fallu que ce soit justement des mythes d'air, puisque c'est Satan qui est le prince des airs. Donc en amenant des concepts comme liberté, égalité, fraternité, on a placé l'humanité dans l'obligation d'accepter ce nivellement par la base, permettre le laxisme, le laisser-aller de plus en plus grand, la permissivité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'autorité ou des mœurs, voire le déclin de l'Empire américain. Donc, ça, c'est une constatation. Bon, que ce soit le protocole des sages de Sion qui a amené ceci, la Révolution française, mais derrière tout ça, en fait, le prince des airs, et que les Français ont été les vecteurs de ce désordre, ça se comprend aussi dans le sens que c'est une nation particulièrement portée à l'intellectualisme, donc à se couper facilement par le mental de ses racines, de sa source. Maintenant, la question que j'aurais à poser, qui est juste une remarque, pas une objection, c'est pourquoi cette compréhension de l'éducation à trois dimensions est véhiculée intramuros dans les ordres ésotériques, et pourquoi est-ce que ça ne va pas justement plus sur la place publique? Si vous avez vu clair, pourquoi est-ce que vous ne dressez pas debout et que vous le faites savoir par le biais des médias, conférences, c'est une chose, mais les journaux, la télévision? Les articles, alerter la population, mobiliser le monde. Quelle est l'inquisition aujourd'hui qui vous empêche de le faire? D'abord, j'aimerais peut-être ajouter un commentaire à votre commentaire, puisque cette cassette va partir au cours de la semaine prochaine pour la France, pour Aïe, discuter aïe, avec la aïe. France. Alors, je suis déjà excommunié, je suis déjà apatride. Bon, voilà, je risque plus rien. C'est assez juste de faire un rapport entre cet esprit de révolution et le peuple français d'une part, et la Révolution française, qui, comme vous le savez, a été semée par la maçonnerie, la franc-maçonnerie, qui ont perverti le concept de discipline, hiérarchie et fraternité, qui est le concept initiatique que d'ailleurs m'a enseigné un de mes instructeurs en Europe. Ils l'ont perverti et l'ont rendu justement cette liberté, égalité, fraternité. C'est le problème qui a été repris par la suite par un groupe d'entités au service des puissances de l'air, j'aime votre expression, pour constituer au niveau du protocole des sages de Sion un archétype occidental pour notre monde contemporain, de reproduction, si on veut, de cette idée de révolte qui était germée dans des milieux maçonniques, qui était justement en rébellion contre ce lien qui existe entre l'homme et l'esprit et que manifestent les fils de Seth, qui sont les prêtres. Alors, le pouvoir franc-maçonnique étant de par nature anticlérical dans sa dimension négative, a donc rejeté en bloc le principe d'autorité que le clergé représentait à cette époque. Et ça a mené à la Révolution. Alors, je suis d'accord avec ça. Maintenant, concernant votre question, au niveau du déplacement de cet enseignement qu'on a donné dans la première partie, d'un milieu fermé à un milieu plus ouvert, bien, c'est très facile à comprendre. D'abord, il y a une erreur lorsqu'on dit que c'est un enseignement qui est donné dans les milieux ésotériques, car je suis assez impliqué dans les milieux ésotériques pour savoir que de plus en plus, ces milieux ésotériques se prostituent et oublient et même enseignent le contraire. C'est pourquoi je vous ai fait une parenthèse, et une parenthèse animée. Hein? Il y a des sujets comme ça. Bon, il y a des sujets où je suis relativement calme, il y a d'autres sujets où je prends beaucoup de force émotionnelle pour le faire passer, parce qu'il faut frapper le corps émotionnel, il faut créer, comme les initiés le savent, il faut créer un choc émotif pour que ça passe. Lorsque le corps astral s'est constitué, s'est érigé en absolu, parce que vous voyez que le principe de contre-initiation dont vous parlez, c'est un principe qui a pris en charge, à posséder tous les véhicules de l'homme. De telle sorte que lorsqu'on veut présenter le contraire, eh bien, il faut y mettre une force de sentiment suffisamment puissante pour que le corps émotionnel ou le corps astral soit affecté. C'est-à-dire que pour quelqu'un, ça le chicote, ça le dérange. Il se dit, bon, lorsque ça c'est fait, là, l'idée peut entrer. Autrement, si vous faites que parler d'une manière mentale, vous faites le jeu, justement, de ces forces de l'air, de ces forces du mental, vous n'arrivez à rien. Maintenant, mon travail, si vous parlez en termes, parce que la question s'adresse un peu à moi, mon travail est d'abord de faire comprendre à ceux qui se posent comme les pionniers que ça, ce sont les principes éternels de l'évolution et non de la révolution. Ça, c'est très bien, j'ai pris des notes d'ailleurs. Mais il faut d'abord aller là. Je crois qu'il faut d'abord former les gens qui sont dans cet esprit d'évolution, de conscientisation. Ensuite, on pourra aller vers l'extérieur. La question que vous me posez, c'est la question suivante. Je discutais tout à l'heure avec Mario, et on parlait de l'ère des poissons. Et puis, on en est venu à réaliser qu'il y a plusieurs sortes de poissons. Hein? Il y a des requins qui sont les rois de la mer, hein, qui se manifestent et qui ont une certaine notoriété. Et puis, il y a les piranhas. Hein, subtils, en masse, hein, qui viennent gruger le pouvoir, l'autorité, c'est la démocratie. Hein. Alors, il y a la monarchie dans l'eau, c'est le requin, dans l'air des poissons, et puis il y a la démocratie, c'est les fameux piranhas. Alors, mon principe est d'aller enseigner aux requins ce qu'il y a à faire, puis ensuite de ça, on pourra travailler avec les piranhas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut faire un travail qui soit efficace, y aller de manière pyramidale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord former des éducateurs qui ensuite éduqueront les masses, qui ensuite se remettront dans ce principe éducationnel qui est le principe éducationnel de tous les temps. Maintenant, ce sera intéressant aussi de faire une action au niveau de la masse, au niveau public, au niveau de diffusion publique. C'est ce qui va se produire à compter de janvier 1987 en ce qui me concerne, puisque je commence un nouveau cycle d'intervention, où je vais rendre public des choses qui ne sont pas connues actuellement, et où je vais rendre public aussi un travail qui doit être fait, qui doit partir du Québec actuellement, et qui doit être fait justement pour en arriver à ce que, à une échelle très vaste, au niveau du public, soit conscientisé des principes qui n'ont pas été intégrés dans le passé, et qui sont les bébites qu'il faut psychanalyser. Donc, à partir de janvier 87, si vous voulez, parce qu'il faut respecter des temps, il faut respecter des cycles, vous savez à quelle époque à peu près j'ai commencé à donner des conférences. D'ailleurs, c'est sous vos auspices que j'ai commencé de façon plus publique à Montréal. Alors, il faut respecter des cycles. Il faut respecter... Moi, je suis un homme d'action qui se lance dans des projets. Maintenant, j'ai appris avec le peu de temps que j'ai eu à respecter certains moments et certains temps. De telle sorte que, bien que je voudrais le faire maintenant, ce n'est pas le moment. Et à partir donc de janvier 87, il y aura une action qui sera plus vaste, plus publique, si on veut, autour de ça, pour que les gens qui sont actuellement dans l'ignorance de certaines notions, notamment autour de l'éducation et de d'autres principes, et qui jugent cette éducation et ces principes selon des modèles et selon des idéologies qu'ils croient leurs, alors que ce sont des idéologies importées qui leur ont été comme plaquées dans leur conscience, bien que ces gens-là puissent réaliser à un moment donné que, bon, mais peut-être que l'autorité dans l'éducation, je vous donne l'exemple de ce soir, mais peut-être que ça a de l'allure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le représenter. Maintenant, ce principe qu'on présentait autrefois d'une certaine manière, il faut le représenter sous un nouveau visage, en tenant compte que l'homme d'aujourd'hui est un homme qui a besoin qu'on lui dise le pourquoi et puis le comment des choses. Hein? Autrefois, on lui disait le comment, on ne lui disait pas le pourquoi. On disait, tu fais ça comme ça, puis ça faisait. Aujourd'hui, l'homme est arrivé à un niveau d'évolution où au comment, il faut ajouter le pourquoi. Mais ajouter le pourquoi, pour reprendre l'expression française, c'est pas évident. Donc, il faut faire un travail progressif, et il faut tranquillement apporter des concepts. Et alors, ce sera là que les gens, tranquillement, puisque c'est un peu national et planétaire que le travail se fait, tranquillement sur la planète, les gens réaliseront qu'ils avaient des idées fausses et erronées sur certaines notions, et que ces idées fausses et erronées les empêchaient d'aller plus loin, d'aller plus avant. Par un rejet ridicule, un ignorantissime rejet des principes éternels du travail qui est à réaliser. Donc, c'est en ce sens-là que je vous dis, si les écoles ésotériques ont conservé ça à l'intérieur d'eux-mêmes, c'était sûrement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour des raisons de temps, de cycle, et c'est pas facile d'être patient, mais c'est une vertu qui se développe et qui doit être développée. Mais je vous dirais aussi que bon nombre d'écoles ésotériques ont fait comme les pharisiens. Ils ont caché la loi, ils ont empêché les gens d'entrer, puis ils sont pas eux-mêmes entrés. Et ça, c'est la majorité des écoles dites ouverture des guillemets, ésotérique, fermeture des guillemets. Hein? Et à ces gens-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui si on avait le courage d'exprimer ce qui doit être exprimé? On leur dirait, vous êtes blancs au dehors. Hein? Vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes blancs au dehors, mais vous êtes remplis d'ossements de mort. Mais regardez plusieurs écoles, je ne les nommerai pas, ce n'est pas mon rôle, mais regardez plusieurs écoles ésotériques qui ont pignon sur rue dans votre ville de Montréal. Hein? Vous allez voir, ils ont des beaux temples blancs à l'extérieur, mais ils sont remplis d'ossements morts, c'est-à-dire que c'est des morts qui sont à l'intérieur de ça. C'est des gens qui n'ont pas la vie, hein? C'est pourquoi j'aime mieux le terme esprit vital que supramental. C'est des gens qui n'ont pas la vie de l'esprit. Ce sont des gens qui se sont simplement revêtus d'un cercueil qui fait bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, si vous l'ouvrez, hein, c'est des ossements. Alors, c'est pas facile d'avoir le courage de dire à des gens, vous êtes des sépulcres blanchis, race de vipères. Hein? Ben, des races de vipères, au 20e siècle, il y en a autant, au moins, qu'à l'époque du Nazaréen. Hein? Et ces races de vipères, ils prennent des titres ronflants, dits ésotériques. Alors, l'ésotérisme, ça n'a rien à voir avec une pensée sectaire, une petite école qui dit « nous sommes les seuls dépositaires du savoir de telle et telle et telle tradition ». Pas ça, l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est un retour vers l'intérieur. Lorsqu'on a été capable d'assimiler l'extérieur, lorsqu'on a été capable de ressentir tout ce qui était autour de nous-mêmes, et puis qu'on a assimilé et intégré cet extérieur, là, on est apte à entrer à l'intérieur. Et là, on entend la voix. La voix... On peut prendre les termes qu'on veut, mais c'est en fait la voix de l'esprit qui s'exprime et qui a pris complètement possession de l'individu parce que l'individu s'est préparé pour cela. Il a eu son entraînement pour réaliser cela. Mais ceux qui sont dans les écoles ésotériques aujourd'hui et qui n'ont pas un entraînement militaire, hein, on leur dit, et ça c'est plus les écoles de New Age, les écoles Verseau, bon, visons leur beau petit signe de Verseau, bon, etc. Eh bien, ces écoles-là, qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? Ils leur disent, vous êtes votre propre maître. Vous êtes votre propre instructeur. Vous n'avez pas besoin d'instructeur. Vous n'avez pas besoin de gourou. Prenez-vous en main. Faites ce que vous pensez. Faites ce que vous jugez être le mieux. Hein? Apprenez ce que vous voulez, comme vous le voulez. Hein? Si vous voulez apprendre l'hébreu, apprenez l'hébreu. Si vous voulez apprendre le grec, apprenez le grec. Si vous voulez pas apprendre des langues, puis apprendre les mathématiques, apprenez les mathématiques. Si ça vous intéresse pas, lisez... des livres sur Boy George, faites ce que vous voulez. Et puis, l'entraînement, c'est pas nous qui allons vous dire qu'est-ce que vous avez à faire, parce qu'on n'est pas des maîtres, on n'est pas des instructeurs, tout le monde est égaux. Alors, faites votre petite affaire, développez votre petit centre, enseignez votre petit enseignement qui vient de votre personnalité, impliquez-vous un peu. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on se découvre au bout de 20 ans qu'on a été affilié à une école et qu'on n'est pas plus avancé qu'on l'était il y a 20 ans. Parce que on n'a pas eu cette discipline. Parce que même sur le plan adulte, il y a encore cette notion que l'on a développée tout à l'heure au niveau de l'enfant qui persiste ou qui perdure, et il y a encore des instructeurs. Mais dans ces écoles ésotériques, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est après la mort du fondateur. Le fondateur le fondateur fait office d'instructeur, transmet l'enseignement. Regardez, je vous en nommerai qu'un. Je ne vais pas faire accusation à ceux qui sont liés à cet ordre, je le suis partiellement. L'ordre Martinis-Papusien. Mais c'est connu, lorsque Papus est mort, l'ordre Martinis-Papusien est mort. Pourquoi? Parce que les gens qui sont restés après la mort de Papus étaient des gens paresseux et des gens qui n'avaient pas le courage de prendre en charge la tâche d'éducateur. Or, ces gens-là, qui n'ont pas été capables de prendre le flambeau du grand maître et de dire, oui, je vais faire office d'instructeur, je vais aider les gens qui s'affilient à l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se justifier, ils ont dit, on s'en va dans l'ère du Verseau, tout le monde est égal. Alors, ils se sont retirés de cette responsabilité. Ensuite, pensez-vous que ces pseudo-instructeurs qui vont aller enseigner en conférence au nom de l'ordre martiniste et de la filiation de Louis-Claude de Saint-Martin, pensez-vous que ces gens qui sont des faibles, en fait, hein, vont être capables de dire aux parents, vous devez prendre votre tâche d'éducateur, vous devez prendre votre responsabilité au sérieux? Pas du tout. Hein? Mais les gens qui entrent dans ces écoles, souvent, c'est des têtes fortes. Hein? Les gens qui entrent dans les écoles ésotériques, c'est des gens qui se prennent un petit peu au sérieux, souvent. Ce sont des gens qui tiennent à leurs opinions, qui surtout ont réussi à s'échapper de la vieille église du poisson, alors ça c'est sûr. Donc ils sont maintenant libérés, tout ça, puis ils tiennent à leur liberté. Alors lorsqu'ils entrent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Hein? Bien, il faudrait faire, comme le disait tout à l'heure un éducateur, dans la salle, il faut les prendre à serre. Hein? Il faut les prendre serrés, puis les amener à bon port. Hein? Et ensuite, ils vont être contents. Ensuite, ils vont apprécier le fait qu'ils ont eu une discipline qui les a conduits à ce qu'ils voulaient réaliser, voir dans l'invisible, aider les gens par dédoublement, ou simplement acquérir une connaissance, une certitude de l'esprit intérieur qui fait que lorsqu'ils sont à quelque part, ils ne se laissent pas influencer par toutes les opinions qui tournent autour, mais ils sont capables d'avoir une opinion, pas une opinion d'entêté, une opinion d'une certitude absolue de l'esprit qui s'exprime. Parce que moi, lorsque je vous parle là, de l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas, j'espère, un entêtement que j'exprime. Ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai lu dans un livre, puis j'ai dit, tiens, c'est intéressant, ça va faire une conférence. C'est une certitude absolue de l'esprit que j'ai en moi. Et ça, il n'y a personne qui va pouvoir m'influencer à l'extérieur de quelconque façon. Parce que cette certitude, elle s'installe. Mais dans une école ésotérique, ou dans n'importe quel mouvement de développement, tôt ou tard, cette certitude, c'est le fruit de la quête. Mais cette certitude, vous ne l'obtiendrez jamais sans une discipline très rigoureuse et sans avoir été capable d'être pris très serré. Comme un enfant qui commence à avoir des tendances, disons, délinquantes ou commence à aller dans des voies parallèles qui semblent dangereuses, eh bien, là, le parent ne doit pas, à ce moment-là, négocier avec lui. Dans les écoles ésotériques, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui très souvent? On négocie avec les étudiants. On dit, les étudiants, ils en savent aussi bien que ils en savent autant que les dirigeants. Malheureusement, c'est vrai, dans la plupart des cas. Mais on dit, eh bien, on va négocier avec les étudiants. On va leur faire un petit sondage, on va leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce que vous voulez recevoir des leçons ou vous ne voulez pas en recevoir? Quel type de leçons vous aimeriez qu'on vous envoie? Est-ce que ce serait des leçons qui seraient un petit peu autoritaires ou pas beaucoup autoritaires? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Hein? L'instructeur n'a pas à demander à l'étudiant qu'est-ce qu'il doit faire. L'instructeur doit élever l'étudiant. Alors, c'est le problème de l'Église qui a chuté. Les prêtres se sont rabaissés au niveau du peuple alors qu'ils avaient la fonction de les élever. Bien, c'est la même chose dans les écoles ésotériques. Ils s'abaissent plutôt que d'élever les gens. Eh bien, on a exactement le même parallèle dans le mécanisme d'éducation dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pourquoi, surtout lorsque je suis dans les milieux ésotériques, et de plus en plus je le ferai au risque d'entendre les hauts cris, je vais forcer pour que ce concept, qui est le seul concept ésotérique et d'évolution possible sur cette planète, puisse passer. Et il y a deux possibilités. Ou bien je suis dans une voie totalement erronée, je m'en vais, pour prendre l'expression populaire, chez le diable, ou bien alors je suis dans la voie. Mais de toute manière, je suis dans la voie en question. Et il y a pas de problème, c'est qu'en étant dans la voie, on risque fort de vous envoyer chez le diable quand même. Hein? On peut m'envoyer chez le diable. Moi, je n'ai rien contre le diable. D'ailleurs, le diable, c'est une force très intéressante, non seulement à étudier, mais à utiliser. Hein? Parce que c'est la force créatrice en soi qui peut s'exprimer ou bien par les cornes et amener sur l'homme l'abondance, de la corne d'abondance, ou bien par la queue. Hein, et amener à l'homme une descente vers les enfers. Une maladie vénérienne. Maintenant, il y a un autre mirage, une autre sorte d'envoûtement sur le monde qui a été accepté. C'est aussi que tout le monde aujourd'hui va militer pour ses droits et que plus personne ne va entendre parler des devoirs. Comment ça se fait, ça? C'est tout à fait juste. Et il y a une déclaration fracassante. Je m'excuse encore m'en référer à l'Église de Rome. Pourtant, je ne suis pas si en communion exotérique avec l'Église de Rome. Mais il y a une déclaration fracassante d'un homme qui fait un travail un peu semblable au mien, bien qu'il soit de manière beaucoup plus sectaire, si on veut, dans l'esprit un peu sectaire de l'Église de Rome habituelle, c'est Mgr Lefebvre, qui a fait une déclaration fracassante en France en disant « Les droits de la personne sont une invention de Satan ». Alors là, ça a été terrible, évidemment. Hein? On a dit « C'est un vieux bonhomme de l'ère du poisson ». Mais ce vieux bonhomme de l'ère du poisson avait partiellement tort, on a toujours partiellement tort, mais avait aussi partiellement raison. C'est-à-dire que ces fameux droits de la personne sont un mirage, comme vous dites, sont une illusion. L'homme n'a pas à développer les droits de sa personne. Hein? Il a à développer le droit de l'esprit, c'est-à-dire le droit divin, hein? comme on le voit à la cour de Sherbrooke. Il y a le bâtiment de la cour supérieure de Sherbrooke, du district de Saint-François, Sherbrooke, sur rue Wellington, et c'est marqué avec du feuillage sur la terrasse en avant, Dieu est ma loi. Ou Dieu est ma force, quelque chose comme ça. Dieu est ma loi. C'est ça. C'est une loi et c'est un droit. Dieu est mon droit, ce serait la meilleure expression. C'est une loi et c'est un droit intérieur de l'esprit qu'on doit exprimer. Les droits de la personne, qu'est-ce que c'est? Ce sont les droits de la multiplicité, ce sont les droits de l'éparpillement, ce sont les droits du gaspillage de l'énergie, ce sont les droits du genre. Je veux bien qu'on ait des droits au niveau de la personnalité, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'on ait le droit à l'habitation? Pourquoi pas avoir le droit à des choses du genre? À la nourriture, à avoir un calme de l'esprit, une certaine indépendance, autonomie, etc. Mais justement, comme vous le dites, on doit aussi avoir avec ses droits les devoirs qui importent. Mais les devoirs, c'est normal que la personnalité ne les veuille pas. Parce que la personnalité, ce qui l'intéresse, ce n'est pas des devoirs, c'est justement ses propres droits, c'est ce qui se rapporte à elle, c'est ce qui ramène à elle. Alors la question est facile à répondre. Pourquoi on ne veut pas de devoirs et on veut des droits? C'est parce qu'on fonctionne sur le registre de la personnalité. Quand je dis qu'on fonctionne sur le registre de la personnalité, je veux dire qu'on fonctionne sur le registre de la psychologie des corps, c'est-à-dire psychologie du corps éthérico-physique, du corps astral, du corps mental. Et on n'a pas la discipline et l'obéissance pour accepter ce droit divin, ce principe divin qui entre en soi. Autrefois, on disait des monarques qu'ils avaient leur pouvoir de droit divin. Rappelez-vous le Nazaréen, lorsqu'il a comparu devant Pilate. Alors Pilate est là avec sa grande autorité, puisqu'il est établi par Rome. Ceux qui ont l'autorité, semble-t-il, ont le karma d'être établi par Rome. Alors, Pilate est établi par Rome, le César, et alors Jésus comparaît devant lui. Jésus, petit homme, bon. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que Jésus reste muet, il ne répond pas à ses questions. Bon, il n'y avait pas la patience d'un conférencier qui répond toujours aux questions de son intérieur. Oh, il a décidé de ne pas répondre, que ça ne valait pas la peine. Bon. Alors, ça veut dire que vos questions en valent la peine. Donc, il répond pas. Alors, évidemment, Pilate est un peu insulté. Il lui dit, « Mais homme, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? » Bon, évidemment, c'est une grosse chose. Alors là, il a considéré que la question était intéressante. Et puis, il a répondu, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été accordé d'en haut. » Ben, ça répond à votre question qui touche le devoir et les droits. Les droits qui sont réels, qui sont authentiques, et le pouvoir qu'exerce un monarque, à quelque niveau que ce soit, politique, scientifique, etc., ils lui viennent d'en haut, c'est-à-dire ils lui viennent de son esprit. Et lorsque le droit vient de l'esprit et qu'il est conscientisé par l'éducation au niveau de la personnalité, là, l'homme accepte d'avoir des devoirs. Et là, une femme, je ne veux pas être sexiste, mais c'est le modèle courant, disons, ça peut être très bien un homme aussi, mais ça touche plus les femmes, puisqu'il y a plus de femmes dans cette situation. Je suis obligé de m'expliquer, parce que je parle de ces sujets-là. Mais une femme, par exemple, peut accepter le devoir de rester à la maison, au malheur de ne pas être payée, donc de rien valoir. Hein. Si c'était ça, les conférenciers ne vaudraient pas grand-chose. Mais la femme, donc, rester à la maison, ne pas être payée, et puis servir. Ça, c'est une personne qui, par son éducation, vous allez dire, une éducation affreuse qui a servi la femme, vous pouvez bien le dire, c'est pas ce que je dis. Grâce à une éducation, a été suffisamment élevée et suffisamment réceptive à son esprit, à son droit divin, pour être en mesure d'accepter un devoir et de faire parfaite abnégation de cette personnalité qui veut tous les droits et de s'enlever le droit. Le droit à avoir son autonomie, le droit à avoir ses propres goûts. Vous savez qu'il y a des femmes que je connais d'ailleurs, qui au bout de 25 ans de mariage où ils ont élevé tous leurs enfants, lorsqu'ils se retirent, en fait, les enfants se retirent, donc ils n'ont plus cette tâche-là, qu'est-ce qui se produit? Ils ne savent même plus leur propre goût. Hein? Ils vont à l'épicerie, puis ils ne savent pas quoi acheter. Ce qu'ils ont toujours acheté en fonction de leurs enfants, de leurs filles, de leurs gars, de leurs maris. Puis là, les enfants sont partis, ils arrivent à l'épicerie. Hein? Oh, ils ont même abdiqué devant le droit à ces goûts personnels, à ces goûts de la personnalité. Qu'est-ce qu'on a comme de droit plus fondamental au niveau de la personnalité qu'avoir ses propres goûts? Hein? Lorsqu'on arrive à cette abnégation totale, eh bien, le monde extérieur, qui est le lieu des démons, hein, le monde extérieur, les gens autour vont dire ça, c'est une folle. Hein? Ben, c'est justement lorsqu'elle est jugée de folle qu'à ce moment-là, on réalise que c'est une femme supramentale, que c'est une femme qui a pleinement réalisé la conscience supramentale en elle et qui a été en mesure d'être un trou dans le monde. Être un trou dans le monde, c'est-à-dire être dans le monde, mais ne pas être du monde. C'est comme un beigne. Hein? Le trou dans le beigne, il est dans le beigne, mais il n'est pas du beigne. Ça va en France, faut traduire par beignet. Beignet. Donc, on a confondu le droit divin et puis le droit de l'homme grenouille. I'm a frog, you're a frog, kiss me. Hein? Vous réécouterez ça. Alors, une question ici. Si l'autorité ne doit pas être écrasante, est-ce qu'une autorité dogmatique peut être une bonne forme d'autorité? Une autorité dogmatique s'applique à des enfants, parce que les enfants n'ont pas la connaissance. À un enfant qui va étudier une question quelconque, en grammaire, par exemple, d'une part, parce que ce sont des règles élémentaires, elles sont nécessairement dogmatiques, de telle sorte que vous ne pouvez pas leur expliquer pourquoi ce mot va s'écrire E-A-U, l'autre O, l'autre A-U. Vous pouvez leur expliquer ça. Si on allait exiger d'être toujours au-delà du dogme, il faudrait que celui qui enseigne la grammaire puisse expliquer de façon rationnelle et suffisante et satisfaisante aux jeunes qui commencent à apprendre à écrire, ça ne s'écrit pas comme ça, mais que ça s'écrit comme ça. Il y a eu une méthode qui a été développée dans l'éducation, avec tout le côté, la méthode Sablier, la méthode liée à la phonétique, de telle sorte que nous avons quelqu'un qui travaille aux éditions Lumière de la Rose-Croix à Sherbrooke et qui écrit au son. Parce qu'il a été formé comme ça, ben je vous assure que ce n'est pas si facile que ça à lire. Hein? Lorsque vous voulez lire ces textes, parfois il fait de la publicité pour l'Association Rosicrucienne à Sherbrooke, et il faut lire après, hein? Il sait d'ailleurs, il trouve ça drôle. Mais c'est un spécialiste des fautes d'orthographe. C'est le plus grand peut-être spécialiste des fautes d'orthographe, en tout cas le plus grand que je connaisse. On peut être d'accord avec ça, ou on peut ne pas être d'accord. Mais là le dogme se place. C'est-à-dire qu'il y a des données... j'allais dire des données révélées de la foi, hein? Il y a des données fondamentales qui sont dogmatiques et qui vont le demeurer. En mathématiques, la mathématique est dogmatique. Hein? On peut avoir l'illusion que la mathématique n'est pas dogmatique, mais si on fait un peu de philosophie des mathématiques, on se rend compte que les systèmes mathématiques sont basés sur des dogmes, c'est-à-dire sur des prémices, et que fondamentalement, parfois, même dans son développement, le système mathématique, il y a des failles. De telle sorte que si on voulait vraiment aller au-delà du dogme, la mathématique s'effondrerait. Et ça, on peut le démontrer, il y a des philosophes qui l'ont fait. La mathématique ne supporte pas d'aller au-delà du dogme. Donc, il y a des données qui sont de nature dogmatique. Maintenant, le dogme, ça dépend comment on le prend. Je suis sûr que la question qui est posée ici, elle est en rapport avec la dogmatique à laquelle on est habitué d'être confronté, c'est-à-dire une donnée qui est établie par un magistère quelconque. Encore une fois, l'Église de Rome, ce serait le meilleur exemple. Et par le dogme, vous êtes comme encapsulé dans une compréhension de la chose. On vous dit, notamment, l'homme ne se réincarne pas, il ressuscite. Hein? Ou l'Assomption de la Vierge, des choses comme ça. Ça, c'est un dogme. Bon. Un dogme comme celui-là peut être, pour des enfants, très utile. Mais tôt ou tard, l'homme doit aller au-delà du dogme. C'est-à-dire, pas aller au-delà du dogme en rejetant le dogme. Hein? Parce que le dogme, c'est fait pour la masse. C'est fait pour un grand public qui ne se pose pas de questions, qui n'est pas préparé à se poser des questions. Si demain matin, on expliquait aux gens que le concept de résurrection implique le concept de réincarnation, ces pauvres catholiques, hein, qui sont déjà très réduits en nombre, eh bien, ils disparaîtraient complètement. Parce que les institutions dogmatiques ne s'adressent pas à des gens qui font un travail de conscientisation sur le sentier, qui sont rendus à un certain niveau d'assimilation, mais ils s'adressent à tout le monde. Le problème dans la démocratisation du savoir, c'est qu'on croit que ces hautes données hein, de compréhension des relations occultes qui existent entre la résurrection et la réincarnation, c'est pour tout le monde. C'est faux. Alors, le dogme est là pour ceux qui ne sont pas prêts. Hein? Et la connaissance, au-delà du dogme, elle est là pour ceux qui sont prêts. Mais ceux qui chialent, hein, qui râlent hein, contre la dogmatique, c'est souvent ceux, par la même déduction qu'on a faite dans la première partie, qui ne l'ont pas assimilé la dogmatique et qui, dans le fond, ne sont même pas rendus au niveau de la dogmatique. Alors, ils se rébellionnent. Mais celui qui est rendu qui a dépassé la dogmatique, ça ne rébellionne pas du tout. Il se dit, ben voilà, si une certaine société dogmatique enseigne à ses membres tel concept autour de la réincarnation, c'est l'exemple qui me touche actuellement, eh bien, c'est parce que c'est pour le bien du groupe. Et que si, du jour au lendemain, on leur apportait quelque chose de nouveau, ils ne seraient pas capables de le prendre. Hein? Les écoles ésotériques pensent que, parfois, que tout le monde peut prendre ça. Alors, ils prennent un concept comme la réincarnation, puis ils l'enseignent partout. Et ensuite, sur 80 personnes, il y en a 78 qui sont complètement déboussolés, qui se servent du thé, et on ne leur fait pas comprendre ce qui a été l'objet de nombreuses conférences qui ont été données précédemment, que vous pouvez avoir sur cassette si vous voulez. On ne leur fait pas comprendre que maintenant, on est dans le registre de la gratuité. Et on dit, c'est l'enseignement du Verseau, l'enseignement des pionniers. On a le même problème que dans la première partie. Alors, rien à voir avec l'enseignement des pionniers. Oui, c'est vrai, il faut enseigner la réincarnation, mais avec la nuance et avec toutes les autres choses qui sont autour. Si on ne met pas la nuance, on est des vieux retardataires. C'est ça, en fait. Hein? Alors, on fait des ordres apparemment initiatiques de l'Occident, mais qui sont fondés sur les vieux pharaons momifiés hein, qui moisissent dans les musées. Hein? Ah ben moi, si vous voulez m'introduire dans une école qui fonde son programme d'enseignement sur des vieux pharaons moisis, hein, moi, ça ne m'intéresse pas. Les vieux pharaons moisis, hein. Laissons-les moisir dans les musées, laissons les gens qui s'intéressent de jouer avec les champignons, d'essayer de les préserver le plus longtemps possible. Mais nous, si on en trouve un vieux pharaon moisi, hein, enterrons-le, hein, puis aidons-le à se détruire, mettons-en des champignons dessus. Hein. C'est ça qu'on a à faire, parce qu'on est dans un nouveau registre de conscience. Hein. Et puis ces vieux pharaons moisis, laissez-les aux vieux chercheurs de pharaons moisis. Et puis nous, on peut s'intéresser à des concepts qui étaient à cette époque, mais en faire notre marchepied, pas notre ennemi. Si on les met en haut, c'est notre ennemi. Si on les met en bas, c'est notre marchepied, puis on peut continuer. Bon. Alors ça, c'est un exemple, justement, du rapport qui peut exister entre un enseignement qui serait positif, qui serait vers une évolution, et un enseignement qui apparaît positif, mais qui en fait retardataire. Et ça, c'est pour répondre à la question, mais la dogmatique. Ben, la dogmatique, elle joue un rôle là parce que lorsqu'on sait, et moi je pars sur le principe qu'il y en a qui savent, hein, puis ils sont en haut dans la hiérarchie, ben, ceux qui savent, ils savent qu'à une certaine époque de l'histoire de l'humanité, il faut que la majorité des gens ait un cadre de référence pour pouvoir fonctionner. Alors autrement dit, à une échelle planétaire, ils font de l'éducation hein, au niveau des masses comme on fait de l'éducation au niveau d'un enfant. Alors ils leur donnent des dogmes. Comme vous leur dites 2 × 2, ça donne 4. Et vous ne permettez pas que l'enfant négocie. Vous êtes dogmatique. Mais de la même manière, les institutions qui ont une influence planétaire ou nationale utilisent une dogmatique pour l'humanité qui est encore enfant. Hein? Mais évidemment, l'enfant n'aimera pas ça prendre ses tables de multiplication. Hein? Puis peut-être un jour, qu'il va dire peut-être que 2 × 2, ça ne fait pas 4. Hein? Puis il va s'obstiner. Eh bien, c'est la même chose pour les gens. Les gens se disent, les tables de multiplication ne m'intéressent pas, moi. Moi, je suis prêt à faire du calcul intégral et différentiel. Alors, ils vont dans des groupements où ils enseignent le calcul intégral et différentiel. Ça peut être vrai. Alors là, ils trouvent un lieu de réalisation. La plupart du temps, c'est faux. Et puis, ils font tomber l'école. C'est simple. Donc, la dogmatique, elle est utile. Elle est utile tant que ça ne devient pas une chaîne. Lorsque ça devient une chaîne et que ça nous emprisonne, là, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai pas assimilé ce que le dogme représente et alors il faut que je fasse un travail en ce sens? Ou alors est-ce que c'est pas fait? Et puis là, c'est le temps de faire un pas vers quelque chose d'autre. Parce que c'est pas facile de se libérer du dogme. Et le dogme peut devenir une chaise sur laquelle on s'effoire. Ça, je pense pas que les Français comprennent. Une chaise sur laquelle on s'étend, hein, et puis on s'évache. Hein. Mais plus on s'évache, plus on se sent vache. Ça, c'est très important. Hein. Bon, c'est une façon d'utiliser l'enseignement ancien. Vous savez, les anciens orientaux, ils adorent la vache. Hein. Mais aujourd'hui, si on adore la vache, c'est ça qui arrive. Alors, il faut muter, il faut transmuter, je dirais, un niveau supérieur, ces choses qui sont au niveau du passé. Mais c'est la même chose. Lorsque tranquillement, on sent qu'on s'évache, là, il faut arrêter. Hein? C'est-à-dire que le dogme peut devenir un clos, un enclos pour des animaux. Alors, lorsque le temps est venu, là, on passe à une autre étape. Qu'est-ce que c'est, cette autre étape? Alors, ça, c'est encore plus intéressant, parce que on va poser la question bientôt, qu'y a-t-il après la spiritualité ou quelque chose comme ça? Posons la question dès maintenant ce soir, qu'est-ce qu'il y a après le dogme? Hein? Ça, c'est intéressant. Parce que lorsque vous avez évolué dans un dogme, que vous l'avez assimilé, et puis que vous êtes prêt à marcher sur vos propres jambes, vous quittez la dogmatique, quittez l'institution dogmatique qui vous avait encadré, qu'est-ce que vous devenez là? Jésuite. Malheureusement, ouais. En fait, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires là-dessus. Parce que, bon, non, ça ne ferait pas. qu'est-ce que vous devenez en sortant du dogme? Là, vous perdez le titre de jésuite. Mais en sortant du dogme, qu'est-ce qui se produit? Ben, il peut se produire deux choses. La plupart des gens, lorsqu'ils sortent du dogme, ne sont plus tellement en harmonie avec le dogme parce qu'ils n'ont pas réussi leur divorce. André Moreau disait, vous avez manqué votre mariage, réussissez votre divorce. Hein? Bon, et c'est pas facile de réussir un divorce. Il y en a qui le réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Lorsqu'une personne quitte la dogmatique, c'est un peu comme un divorce. Hein? Elle peut réussir son divorce ou manquer son divorce. Si elle manque son divorce, ce qui est la plupart des cas, malheureusement, elle se rébellionne contre la dogmatique, elle dit, ils m'ont encapsulé, etc. Là, elle prend elle monte sur ses grands chevaux, son corps émotionnel. Et puis, elle se dit, ben maintenant, hein, là, j'ai travaillé pour les privilégiés, les aristocrates de ce groupement-là, maintenant, je vais penser à moi. Hein? Parce que l'évolution, c'est pas de se faire manipuler par des gens en haut, c'est de se centrer sur soi-même puis de travailler sur soi-même. Alors elle va s'en aller dans ce milieu-là et 20 ans après, ça va être l'orgueil personnifié, une personne qui va tellement être lourde au niveau de la personnalité que dans sa prochaine réincarnation, elle va devoir s'incarner dans une société dogmatique. Si la personne réussit son divorce, lorsqu'elle va passer au tribunal, elle ne dira pas de mal de son épouse ancienne ou de son ex-mari. Elle va accepter les choses, elle va prendre des termes, puis qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Elle va s'en aller dans le monde, et puis elle va avoir appris la leçon. Et ayant appris la leçon de la dogmatique, elle ne ronronnera pas sur elle-même, mais elle va travailler en fonction de la masse, parce qu'elle va se dire, maintenant, je ne suis plus à cet échelon-ci de la hiérarchie, puisque j'ai assimilé ce degré. Je suis à l'autre échelon. Ici, j'étais mouton. Il n'y a rien de mal à être mouton, hein, puisque à ce moment-là, on refuserait qu'il y ait une première année dans les écoles primaires, un secondaire 1 dans les écoles secondaires, un collégial 1 dans les écoles collégiales et un baccalauréat au niveau de l'université. Hein, puisque si on se disait tout à coup, être au bas de l'échelle, c'est négatif. On ne peut plus admettre ça. Nous, on est en haut de l'échelle. Hein. Il y aurait que des gens au doctorat. Hein. Bon, ça serait le problème, vous le voyez. Donc, vous êtes mouton. Pendant un certain temps. Mouton cadet, pour commencer. Mouton cadet. Je savais que ça viendrait un jour. Donc, vous êtes à ce niveau-là. Et puis, vous réalisez que là, vous avez passé les tests, vous avez passé les examens, vous êtes diplômé. Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez pasteur. C'est simple. Alors, lorsque vous sortez de l'institution dogmatique, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez pasteur d'une institution dogmatique pour les gens qui sont en dessous. Hein? Qu'est-ce que les conférenciers de conscientisation, de supramental, de spiritualité ou de tradition font? Ce sont des pasteurs. Il y en a qui voudraient pas le terme, hein, ils sont des pasteurs quand même. Parce qu'ils parlent, et puis, ce qu'ils disent, c'est pas ésotérique, c'est dogmatique. Alors, les gens les prennent ou le prennent pas. Hein? Moi, je vous ai parlé des corps aujourd'hui. La plupart d'entre vous n'êtes pas en mesure de vérifier ce que j'ai dit, c'est-à-dire n'êtes pas en mesure d'aller vérifier le corps astral des personnes, le corps mental, le corps vital, comment ça évolue ensemble. Bon. Je suis dogmatique, donc, pour vous. Hein? Aussi dogmatique que le professeur qui vous enseigne que dorénavant, lorsque vous voudrez parler de l'eau qui coule, vous allez marquer E-A-U et non pas O accent circonflexe. Bon, alors on est dogmatique, mais on n'est plus nous-mêmes dans la structure dogmatique, on est dans la structure de Pasteur. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous présenter dans la première partie de cette conférence, où j'ai cité Saint Paul à Timothée, hein, au-delà du fait que j'étais poisson? Hein. Eh bien, j'ai essayé de vous montrer que, dans le fond de l'affaire, hein, ce que l'homme doit réaliser, c'est d'être pasteur. Parce que c'était une adresse aux épiscopes, c'est-à-dire aux futurs pasteurs. Hein. Alors, pour prendre sa charge et sa responsabilité d'éducateur et de parent, il faut être quoi? Il faut être pasteur. Donc, il faut soi-même avoir assimilé les bases, hein, qu'on nous les ait fait assimiler, et là, on passe à l'autre étape. Et puis, à l'autre étape, on est ce pasteur. Hein. Et pour être pasteur, il ne faut pas être un commerçant. Hein. Il ne faut pas être un marchand de l'éducation, comme on en connaît des milliers au Québec, qui vont se syndiquer et qui vont revendiquer avec des grandes pancartes dans la rue leur droit. Hein? Les enfants, ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils sont en grève, mais eux, ils ont des droits. Bon. Alors ça, c'est pas des éducateurs, ça. Hein? En tout cas, c'est pas des éducateurs chrétiens, pour reprendre aussi une expression de mon confrère, Mgr Schaffner, c'est des éducateurs crétins. Hein? Je ne veux pas faire accusation au monde de l'éducation, encore une fois, je vous dis ce que j'en sais. Hein? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas pris en réalité la réalité de leur fonction d'éducateur. Et un éducateur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Hein? C'est-à-dire qu'un éducateur connaît les gens qui l'entourent. C'est pas une personne à la carte, un éducateur. C'est quelqu'un qui connaît les personnes qui l'entourent, qui les aime. Parce que connaître et aimer, c'est le même mot. Et ces personnes l'aiment aussi. Hein? Il y a une relation non seulement de connaissance dans un cadre inférieur, il y a une relation d'amour. C'est pourquoi, aussi, Saint Paul va dire, les parents doivent aimer leurs enfants. Fondamental. Donc, il faut arriver éventuellement à ce rapport amoureux avec les étudiants, si on est professeur, avec les enfants, si on est parent. Et c'est ça qui établit le contact. Bon. Alors, une personne qui, comme je vous dis tout à l'heure, est sortie de la dogmatique et qui a raté son divorce, qu'est-ce qu'il va faire, hein, lorsqu'il va devenir parent? Il ne voudra pas prendre la charge du pasteur. Parce que il va suffisamment se dire dans sa tête, des pasteurs, hein, j'en ai eu assez. Il ne voudra pas lui-même l'être pour son enfant. Son enfant n'aura pas de pasteur, hein, il ne sera pas pasteur lui non plus. Et tranquillement, on va s'en aller dans une civilisation qu'on connaît actuellement, où il n'y a plus de direction. Hein, où ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Parce que ceux qui voient n'ont pas le courage et le guts, hein, ça va bien passer en France, de prendre le taureau par les cornes. Alors, la dogmatique, c'est une question très subtile. Parce que c'est pas tellement lorsqu'on est dedans que c'est un problème, c'est quand on en sort, qu'est-ce qu'on devient? C'est ça qui est fondamental. Alors, tous ces hommes qui refusent aujourd'hui toute autorité, tout ça, ce sont des frustrés du divorce qu'ils ont fait avec la dogmatique. Et questionnez un petit peu ces gens qui aujourd'hui confessent l'anarchie dans l'éducation. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous remettre sur le tapis les frères qui les ont tapés sur les doigts, ainsi de suite. Alors là, vous allez comprendre pourquoi ils font. Et vous n'allez pas les condamner et les critiquer. Vous allez dire, syndiquez-vous, promenez-vous avec vos pancartes. Parce que c'est normal pour eux. Et il va falloir leur faire comprendre, ça c'est sûr, mais c'est normal. Parce que ils ont la frustration du fait qu'ils sont sortis d'un certain courant dogmatique, et par cette frustration, ils sont pas capables eux-mêmes d'assumer ce dogme nécessaire et absolument fondamental pour développer un enfant. Donc la dogmatique, attention, lorsqu'on parle de la dogmatique, qu'on veut rejeter toute institution dogmatique. Regardez le cadre, s'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de cadre d'évolution. Et s'il n'y a pas de cadre d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Parce qu'il faut une forme pour avancer. On veut tout rejeter les formes aujourd'hui. Je suis d'accord, si vous voulez rejeter les formes, rejetez-les. Mais vous allez vous rendre compte que l'informe, hein, c'est très, très difficile à traverser et à vivre. Alors que le processus d'évolution qui nous mène à l'informe, c'est la forme. Et la forme, on la construit, et quand on n'a plus besoin, on la dissout. C'est ça le dogme. Le dogme, c'est une forme utile pour s'arrêter à un certain moment donné, prendre une respiration, assimiler les leçons, passer à un autre niveau. si on regarde le modèle de l'école, c'est un modèle de dogme gradué, tout simplement. Parce que ce qu'on vous enseigne là, ce n'est pas d'autre chose qu'une forme, ce n'est pas d'autre chose qu'un dogme. Mais c'est très utile, c'est fondamental, sinon il n'y a rien à faire. Mais c'est quand vous sortez d'un dogme parce que vous n'en avez plus besoin, c'est là qu'il faut vous poser la question. Est-ce que je suis apte maintenant à prendre la charge d'éducateur ou de pasteur? Si vous n'êtes pas capable de prendre la charge d'éducateur, retournez à votre dogme. Il y a encore des choses à faire. Si vous êtes capable d'apprendre, vous l'apprenez. Et alors, vous vous affirmez avec une certaine autorité. Hein? Vous acceptez l'échange collégial, mais vous affirmez aussi votre autorité. Ça, c'est important. Et dans certaines conditions, dans certaines circonstances, vous ne permettez pas que cette autorité soit mise en jeu. Personnellement, j'en parlerai davantage l'an prochain. Personnellement, dans un certain contexte de développement ésotérique, j'exprime une autorité d'éducateur. Mais je ne permettrai pas que cette autorité soit remise en question. Parce que c'est un travail qui se fait à un certain niveau. Bon. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire tous chez soi. Les parents d'enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais les parents d'enfants sont des gens qui doivent exprimer l'autorité. Je répète, et je synthétise ce qui a été dit au départ, doivent exprimer une autorité avec force, hein, et solide. Et ne pas se laisser emporter par le courant ou par la vague. Ça, c'est très important. Maintenir cette autorité. Quelqu'un qui a un poste d'éducateur doit s'exprimer avec autorité aussi. Moi, j'ai eu une maîtresse, la seule que j'ai eue en quatrième année. La seule fois où je suis allé chez elle, c'est pour aller voir ses chiens. Et de très beaux chiens, d'ailleurs. Et cette maîtresse de quatrième année était autoritaire. Et j'étais en arrière avec une demoiselle, une fille qui était une amie d'enfance et avec laquelle j'ai toujours eu des contacts. Et puis, on parlait. Parce que, bon, je ne sais pas exactement les raisons, je ne vais pas me justifier, mais on parlait souvent. Pendant qu'elle a parlé en avant, ça nous arrivait. Disons que ça nous arrivait de temps en temps. Et à un moment donné, moi j'étais une personne très gênée et j'aurais pu faire exactement ce que le cardinal Émile Léger a fait devant le pape. Hein. Alors, à un moment donné, je me rappellerai toujours cette femme, Mme Ménard, elle m'a dit, Raphaël, tu vas prendre ton bureau, tu vas l'amener en avant côté de mon bureau. Alors moi qui étais excessivement gêné et puis qui respectait quand même l'autorité, même si je parlais un petit peu en arrière, je pensais pas que ça dérangeait, eh bien j'ai été très marqué au point où j'ai eu de la difficulté à dormir pendant des semaines après ça, et vraiment très très marqué. Mais c'est la maîtresse, hein, qui à laquelle j'étais la plus attaché. Et lorsque on a chanté adieu monsieur le professeur, j'ai pleuré, et c'est à personne que je me souviens le plus et à laquelle j'ai été certes le plus attaché. Hein? Et c'était cette femme qui a eu une rigueur absolument effroyable. Parce que de l'extérieur, lorsque j'ai vu son jugement, je considérais que c'était terrible, en fait, de faire ça à quelqu'un. Surtout à moi. Puis elle savait que j'étais retiré tout ça. Hein? Pas pour rien que j'étais en arrière. Surtout en avant. C'était horrible comme punition. Hein? Mais ce n'est pas cela qui a fait que je l'ai rejeté. Au contraire, ça a été la personne avec laquelle j'ai eu la meilleure relation. Mais elle était juste aussi. En cinquième année, j'ai eu une personne qui était injuste, hein, qui mettait la gomme dans le brin de cible, tout ça. Hein, puis j'ai eu des rôles d'éducateur à la limite. Mais j'ai eu plusieurs sortes d'éducateurs. Je suis un peu puisque je suis toujours étudiant. Et cette personne-là a marqué beaucoup. Elle avait exprimé la rigueur. Je lui ai jamais reproché ça. Bon, sur le coup, j'étais pas content. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était peut-être une folle ou je sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé, mais j'ai sûrement pas aimé ça. Mais maintenant, et tout de suite après, finalement, dans les semaines qui ont suivi, je l'ai considéré comme le professeur qui m'était le plus cher. Bon. Alors ça, c'est très important. Donc, souvent, les parents ont peur, par l'expression de leur autorité, que les enfants se rébellionnent. C'est pas ça. Un enfant, c'est une pure matière à diriger. C'est une pure matière à former l'enfant. Et il est aspiration de formation, l'enfant. L'enfant, il est une ouverture pour l'éducation. Il est pas, bon, évidemment, la personnalité se rebellionne au départ. Mais lorsque la personnalité, elle a été domptée, l'esprit remercie. Hein? Ah ben c'est exactement ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, pour être chum avec les enfants, on a enlevé cette notion d'autorité. Et puis, les parents ont plus de problèmes avec leurs enfants qu'en avaient autrefois. Bon. On a fait la même chose dans l'église. Il fallait que le prêtre soit chum. Bon. Fred Chums, pourquoi pas? Mais on est arrivé à quoi? À un chaos. Eh bien, cette autorité, elle doit s'affirmer par ceux qui, justement, sont capables d'aller au-delà du dogme et assurer l'autorité nécessaire pour le faire. Et ça, c'est la grande tâche de l'éducateur et du parent. Mais il ne faut pas craindre d'exprimer cette autorité. Et puis les gens qui ne l'accepteront pas, tôt ou tard, ils y viendront. Tôt ou tard, ils accepteront parce que leur personnalité va se tasser. Et puis l'esprit va reconnaître l'unicité de cette autorité, qui n'est pas l'autorité d'un homme. Hein? Parce que là, il y a l'erreur de la personne qui tout à coup se sent une autorité et qui va vivre sous le modèle psychologique de l'autorité, vouloir s'imposer partout. C'est pas dans ce modèle-là, vous comprendrez bien. Mais une personne qui exprime l'autorité telle qu'elle l'a dans sa conscience absolue, dans son absolue certitude de l'esprit, eh bien, cette personne qui exprime l'autorité, comme elle est quand même dégagée de cette autorité, on ne lui reprochera jamais. Et on ne l'attaquera jamais là-dessus. Hein? Et on va même la trouver. On va même trouver que c'est la personne avec laquelle on a eu le meilleur contact dans sa vie. Donc les parents n'ont pas à craindre cette espèce d'illusion de paraître sévère ou ainsi de suite. Hein? Et la discipline, surtout dans les années de 7, 14, ce sont des moments très très importants pour que les lignes de force soient établies, pour que plus tard, éventuellement, la personne puisse se prendre elle-même en main. Alors, je m'adresse aux auditeurs français de cette cassette. Là. Veuillez donc traduire son chum par son pote. Okay. Alors, donc, pour résumer, la fonction du pasteur, c'est en quelque sorte de pasteuriser le lait de ses brebis. On ne peut plus traditionnel et évangélique. Ah oui, c'est sûr. Sans en faire du fromage de chèvre. C'est-à-dire qu'il faut donner du lait. Hein, à ceux qui sont au lait, les enfants. Et puis, un jour ou l'autre, il faut donner de la nourriture solide. Pas nécessairement de la viande. Hein. Malheureusement, c'est souvent ça. Mais il faut donner de la nourriture solide, des carottes, des graines de tournesol, etc. Donner de la nourriture solide à ceux qui sont prêts à la digérer. Hein. Prenez votre enfant qui a 2 jours, hein, puis bourrez-le de graines de tournesol. Hein. Vous allez voir ce que ça va donner. Il va retourner au sol. Hein. Et puis, donnez juste du lait à un adulte. Ça va tomber en enfance. Il va devenir veau. Hein. Bon, ben, c'est exactement ça. Donc, il faut adresser ce qu'il faut. Et un pasteur, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est une idée géniale que vous venez d'avoir, va pasteuriser ce lait. Il va enlever les parasites que la personne ne pourrait pas, à son niveau d'évolution et à son niveau de développement, assimiler et combattre par elle-même. Parce que, vous l'avez signalé de façon magistrale la semaine dernière, il y a des gens faibles. C'est assez juste, sur le plan éducationnel. Alors, ces gens qui ne sont pas capables de combattre eux-mêmes les microbes, eh bien, il faut leur enlever. Mais il faut faire attention de ne pas rester éternellement dans la stérilisation. Il faut ensuite envoyer la personne dans le monde. C'est ça que je veux dire par le divorce avec le dogme. C'est d'être capable d'être envoyé dans le monde ensuite parmi les bébites. Hein? Puis les affronter, les bébites, les combattre, prendre l'épée et puis les traverser. C'est tout l'autre aspect. Malheureusement, on l'a souvent oublié. Et on a seulement gardé le lait. Et parce qu'on a perverti l'autorité et qu'on en a fait une vertu de l'ego, hein, de la personnalité, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Eh bien, on a voulu empêcher que les gens prennent ce poste-là. Comme certaines personnes qui ont un poste depuis très longtemps dans une compagnie vont pas aider le nouveau rentré à assimiler les données pour pas faire prendre sa place. Alors il y a comme ça des pasteurs qui tout à coup veulent qu'ils soient les seuls à avoir l'autorité. Alors non seulement ils pasteurisent le lait, mais ils l'écrèment. Hein? Et puis tranquillement, comme je disais dans une autre conférence, ça devient du lait en poudre. Hein? Et puis ça n'a plus de substance. Alors, ça aussi il faut faire attention. C'est-à-dire que l'autorité pour un homme, on est tous des hommes, alors on a tous des faiblesses. L'autorité est aussi une occasion de chute. C'est-à-dire que l'autorité est aussi un lieu qui peut occasionner la déviation totale de la psychologie d'un homme. Et ça, on le voit très fréquemment. Et c'est pourquoi l'autorité est la chose la plus difficile à exprimer au XXe siècle. Pourquoi on la veut plus? Hein? Parce qu'on sait qu'avec l'autorité, on peut se faire piéger. Puis drôlement piéger. Parce que tôt ou tard, le piège va être présenté, en tout cas. Hein, puis il va falloir le traverser. C'est que la pure autorité devienne une autorité du moi qui s'érige en absolu. Il y a toujours une face positive et une face négative. Il y a un côté de la face, il y a une image de la divinité, de l'esprit. De l'autre côté de la face, il y a une image du César. Hein? Ce côté de la face, vous devez le rendre à César, l'autre côté, à l'esprit. Bon. Eh bien, dans le mécanisme de l'autorité, c'est exactement la même chose. L'autorité a une face, qui est le droit divin dont on a parlé tout à l'heure, et il y a l'autre face, qui est le pouvoir de César, ou le pouvoir de l'autorité romaine, qui s'érige en absolu. Eh bien, ce pouvoir, il faut le vaincre. C'est la dimension personnelle de l'autorité, c'est la dimension terrestre, c'est l'ombre de l'autorité qui s'exprime. Et ça c'est un piège, parce que à chaque fois que vous êtes une lumière, bon, regardez comment ça se passe, le mécanisme. Vous êtes une lumière, vous êtes un pasteur. Vous êtes bon, vous êtes bien intentionné au départ. L'intention, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, vous avez ça, vous avez un peu de connaissance. Vous avez des gens devant vous qui sont des personnalités que vous devez éduquer. Des jeunes, par exemple. Vous êtes devant un groupe de jeunes de 13 ans. Ces jeunes sont des personnalités, donc sont des opacités que vous devez rendre translucides. Lorsque vous êtes lumière, et vous projetez cette lumière par le biais de votre autorité d'éducateur sur ces personnes, évidemment, chaque personne va faire quoi? Comme elle est opaque, elle va projeter une ombre. Cette ombre que le groupe de jeunes de 13 ans projette à votre lumière d'éducateur, cette ombre, c'est l'autorité de la personnalité. Parce que à chaque fois qu'un homme exprime la lumière de l'esprit, nécessairement, cette lumière de l'esprit, tôt ou tard, rencontre un lieu opaque et devient ombre. Et c'est cette ombre qui revient vers l'individu et est la contrepartie matérielle négative à combattre de cet individu. Donc, tôt ou tard, en tant que pasteur, vous allez rencontrer l'ombre. Et lorsque vous allez rencontrer cette ombre, eh bien, il faut savoir la reconnaître. Et savoir que l'influence, parce que c'est subtil, qu'est-ce que ça va être? L'ombre, ça va être que les gens devant vous, vous allez dire, c'est des drôles de cruches. C'est ça, l'ombre. Alors, les gens, c'est des cruches devant vous. Étant des cruches, donc, non seulement vous avez une autorité qui les illumine, mais peut-être que vous avez quelque chose de supérieur à eux. Peut-être que vous pouvez vous mettre un petit peu plus haut, tu vois. Alors, vous allez voir chez les gens qui vous sont nécessairement inférieurs, puisque vous êtes leur instructeur ou leur éducateur. Vous allez voir chez ces gens-là la faiblesse que vous devez éliminer. Alors, il y a deux choses. Ou bien vous allez faire vraiment l'œuvre d'éducateur. Vous allez arracher cette faiblesse pour la rendre semblable à vous. Et alors, l'adage antique va être juste. L'initié tue l'initiateur. Hein? Ou bien vous allez accepter ça, de mourir pour que cette personne grandisse. Ou bien vous allez dire, ben, en fait, c'est une ombre. Et vous allez jouer avec cette ombre et vous allez augmenter votre pouvoir de personnalité. C'est pourquoi Hegel a dit que la chose la plus terrible que les parents peuvent vivre, c'est de mourir en éduquant leur enfant. Hegel avait une pénétration supramentale, universelle, absolue. Son œuvre est extraordinaire. Bon, eh bien, dans Hegel, vous avez cette vision de l'éducation qu'on ne trouve pas ailleurs, pas parce que Hegel est original, mais parce qu'Hegel s'est fusionné à la tradition. Et Hegel exprime, en tant que fusionné à la tradition, le fait que le déchirement que les parents vivent lorsque leurs enfants partent, etc., dans le mécanisme de l'éducation en général, c'est qu'ils sont en train de former des pasteurs, des éducateurs. Et qu'en formant ces éducateurs, eux, ils meurent. Parce que leur rêve est terminé. Ce qui est dur pour un éducateur et un pasteur, c'est de mourir face à ces brebis qui deviennent des pasteurs elles-mêmes. Ça, c'est difficile. Dernièrement, je donnais beaucoup de conférences à Sherbrooke. Il y a des gens qui commencent à donner des conférences. Et j'ai vécu cette expérience, j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment une personne, bon, à qui on a donné des conférences, par exemple, va ensuite prendre la charge de donner des conférences. Et puis, là, vous voyez que vous mourrez. Et j'ai très bien senti, surtout à la dernière conférence, que je mourrais. Pas nécessairement que j'étais son éducateur ou son instructeur. Certes, je ne le suis pas. Mais par le fait que cette personne que j'ai un peu aidée dans ce sentier était devenue elle-même instructeur. Et à partir de ce moment-là, moi dans cette affaire-là, je meurs. Alors, j'ai un peu le même sentiment que les parents qui voient leur enfant grandir et se disent, ben voilà, moi, mon œuvre est terminée. C'est eux qui vont prendre la charge. Alors, Hegel a été génial en réalisant que la difficulté de l'éducation, c'est en fait d'accepter sa mort dans la naissance de l'autonomie de ceux qu'on éduque. Alors, les deux polarités sont là. Ou bien vous prenez cette face et vous acceptez de mourir, et c'est la voie. Ou bien vous prenez la face de l'ombre, et alors là, vous dites, ben, en fait, c'est une cruche, et puis vous gardez votre pouvoir. Alors, à ce moment-là, vous devenez un despote, vous devenez un tyran, et vous tyrannisez tout le monde. parce que vous n'avez pas eu vous-même le courage de mourir. Mais il ne faut pas regarder les éducateurs qui n'ont pas eu le courage de mourir et leur dire « vous êtes des tyrans, vous êtes des despotes », puis les critiquer, puis les condamner, parce que ces gens-là, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas réussi à accepter dans leur conscience qu'ils allaient mourir. Mais si vous, demain matin, on vous demandait de mourir, est-ce que vous l'accepteriez? Alors, c'est pour ça que je ne supporte pas que l'on critique les anciens éducateurs qui, bien des fois, avouons-le, se sont laissés leurrer par les ombres qu'ils projetaient, que projetaient leurs étudiants, surtout. Mais surtout de les comprendre et de réaliser qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous, parce que si nous, aujourd'hui, on nous demandait de mourir, quelle serait notre réaction? Alors, l'éducateur, pour terminer, donc, puisque la musique joue, et c'est le temps d'aller sur d'autres plans, pour l'éducateur, il y a deux voies. Ou bien c'est la voie de l'enlisement dans une fausse autorité qui devient un pouvoir despotique, ou bien c'est le passage progressif dans la mort, puisqu'il fait lui-même, il transmet et il infuse lui-même sa propre vie à ceux dont qu'il a la charge d'élever. Hein? Et là, vous avez le modèle christique du Christ qui meurt pour ceux qu'il avait à élever. Et je pense que c'est le seul modèle d'éducation. On me reprochera de le citer dans un ouvrage ancien, mais cet ouvrage daterait de n'importe quelle période, et d'ailleurs il n'a pas de date, il est dans In Secula Seculorum, il daterait de n'importe quelle époque qui serait quand même le principe éternel de l'éducation. Et c'est pourquoi j'ai ouvert cette soirée en vous référant à ce concept supramental ou chrétien de l'éducation, puisque c'est le seul qui permet à l'homme d'aller vers la mort, vers la libération, et qui permet à ceux qui sont ses brebis d'aller aussi vers la libération par la voie de l'éducation. On est tous donc appelés à devenir des instructeurs, on est tous appelés à devenir des éducateurs, on est tous appelés à devenir des pasteurs, et à mourir au terme de ça, et à passer à un autre niveau. Et à un autre niveau, on fait autre chose. C'est ça le grand défi de l'éducation, c'est ça le grand défi des parents, des professeurs et des gardiens d'enfants à tout le monde. Merci Raphaël. Voilà, alors Raphaël Beyer, François Payotte et le Centre de l'Universalité vous souhaitent une bonne fin de soirée. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre bonne intention. Bonsoir.